On a dit que c'était la première bataille industrielle de l'histoire, Verdun. Une bataille de 300 jours dont on célèbre cette année le 90e anniversaire. Verdun, un nom devenu symbolique, un nouveau Valmy, écrit même Jean-Pierre Guénaud dans un récent ouvrage de la célèbre collection Paroles 2, édité par Radio France. Verdun, 300 000 morts dans chaque camp, en somme 2 000 chaque jour. Mais une guerre pour rien. Les Allemands, initiateurs de l'offensive en février 1916, seront purement et simplement reconduits sur leur ligne 300 jours plus tard, en décembre 1916. Et pourtant, dans l'opinion française, Verdun sera perçu comme une victoire. Sans doute parce qu'après toute une série de revers depuis le début de la Grande Guerre, en août 14, l'armée française a tenu bon, malgré de nombreuses fautes de commandement, et en particulier celle-ci. Pourquoi ? Le généralissime Joseph-Jacques Joffre n'a-t-il pas tenu compte des avertissements qu'on lui avait lancés et qui tous prédisaient une offensive allemande à Verdun? Bien au contraire, il a pris la décision de désarmer les forts. Mais au fait, pourquoi M. X s'est-il intéressé cette semaine à la Première Guerre mondiale, une guerre que, bien sûr, il n'a pas connue? Il s'en explique dans un instant. Vous l'avez sans doute remarqué, mais j'adore fouiller dans les vieux papiers. Oui, les archives. Oui, et quand on cherche bien, c'est fou ce qu'on y trouve. Ouais. Bah, attends, quel genre d'archives, là? Bah, les archives militaires, par exemple. Vous vous en souvenez peut-être, mais c'est ainsi que j'ai eu autrefois communication du dossier de Matahari. Des pièces qui établissent de façon indiscutable que la danseuse était en fait une espionne de pacotille qui n'avait à aucun moment nui sérieusement à nos intérêts. Ouais, il fallait faire un exemple. Et montrer que le pouvoir ne laisserait pas nos braves poilus se laisser poignarder dans le dos, comme on disait alors. Mais je m'éloigne. Ma curiosité a d'abord été éveillée par l'histoire d'un homme, un héros injustement oublié. Qui ? Je crains que son nom ne vous dise rien, il s'appelait Drian. Émile Drian. Effectivement, ça... Non, je ne connais pas. Drian est né en 1855, fils d'un notaire de l'Aisne. Il fait ses études au lycée de Reims. Des études brillantes, puisqu'il obtient le premier prix d'histoire au concours général. Le jeune homme, comme beaucoup d'autres gens de sa génération, est très affecté par la défaite de 1871, l'occupation prussienne, puis l'abandon de l'Alsace-Lorraine. C'est sans doute pourquoi, malgré l'opposition de son tabellion de père, il choisit la carrière des armes. Sincère. Mais auparavant, il a obtenu une licence de droit et une autre de lettres. Ah oui, une tête bien faite. Et un cavalier émérite. Et après avoir passé 2 ans à Saint-Cyr, Drian en sort dans un très bon rang. Incontestablement, le jeune sous-officier est promis un très bel avenir dans l'armée française. Et promu lieutenant, il est affecté à Tunis. Il y fait 2 rencontres qui vont bouleverser sa vie et sa carrière. La première, c'est celle du fameux général Boulanger, qui est alors le gouverneur général de la Tunisie. Boulanger qui en fait son officier d'ordonnance. Ouais. Boulanger, le général qui va devenir le porte-drapeau des nationalistes revanchards. Mais qui résistera tant bien que mal aux tentations putschistes de ses supporters. Néanmoins, accusé de complot par le gouvernement de la République, il s'est exilé en Belgique avant de se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Ouais. Une fin assez décevante, hein. Enfin, moins pour ses partisans. Ouais, c'est exact. Alors la deuxième rencontre que fait Drian, c'est la propre fille de Boulanger qu'il séduit et épouse. Naturellement, cet apparentement avec Boulanger ne pourra avoir que des répercussions négatives sur la carrière du jeune capitaine Drian. Pourtant, je le signale tout de suite, notre homme n'a jamais été mêlé aux activités politiques de son beau-père. Oui, mais ça va le marquer. Durablement, oui. Et Drian est envoyé en pénitence au fin fond de la Tunisie. Lorsqu'il revient à la civilisation, il remarche sa disgrâce et tout en restant dans l'armée, il entame une seconde carrière. Que fait-il, hein? Ben, il se fait écrivain, sous le pseudonyme très transparent de Denry. Denry, c'est un anagramme de Drian. Bien sûr. Ouais. Il va publier toute une série de romans qui vont tous obtenir de grands succès. Ouais. Quel genre de romans? Des livres d'aventure, bien entendu. Drian, ou plutôt Denry, s'inspire de son expérience militaire et coloniale. Mais il y a aussi du Jules Verne, c'est lui, lorsqu'il imagine des machines extraordinaires ou qu'il prévoit l'utilisation de nouvelles armes dans les guerres du futur, nécessairement mondiales. Les gaz, les sous-marins, les aéroplanes. Et s'il trouve son public, c'est que la France de la fin du 19e et du début du 20e siècle vit dans l'attente d'un nouveau conflit avec l'Allemagne. Le conflit de la revanche. Drian se conduit en visionnaire lorsqu'il prévoit, par exemple, la guerre des tranchées. Et ce talent d'écrivain militaire lui vaut de revenir en grâce auprès du ministère de la guerre, puisqu'il est nommé instructeur à Saint-Cyr et recevra un peu plus tard le commandement d'un bataillon de chasseurs. Toutefois, c'est une autre affaire qui va l'éloigner de l'armée. Quoi ? L'affaire des fiches qui éclate au tout début du XXe siècle. Vous savez sans doute de quoi il s'agit. Oui, ça c'était le fichage, le vrai fichage des officiers supérieurs. À la suite de la loi de séparation des églises et de l'État, oui. Non sans raison, le gouvernement, alors très anticlérical, soupçonne un certain nombre d'officiers de se livrer à de la propagande. Oui, une propagande religieuse. Bien sûr. En outre, beaucoup de ces gradés très anti-dreyfusards. Donc antisémites. C'est ça. Oui. Donc nombre de ces officiers, souvent issus de la vieille aristocratie, sont aussi convaincus de ne pas être de sincères républicains. Par conséquent, un ministre de la guerre, le général André, je crois, décide d'établir des fiches sur les convictions religieuses et politiques des officiers de l'état-major. Ce qui provoquera, lorsque ça se saura, un véritable scandale. Oui, parce que c'est, si je puis dire, il y a eu une fuite. Bah, c'était presque forcé. Pour établir ces dossiers, il fallait bien qu'il existe des délateurs. Mais enfin, peu importe. Le résultat, c'est que les officiers jugés cléricaux sont mal notés sur le tableau d'avancement. Et Drian est de cela. En effet. Non pas que ce soit un affreux réactionnaire, mais c'est vrai, il ne renie pas ses convictions de catholique de droite. Et on l'accuse à tort d'avoir obligé ses soldats à assister à un office religieux en la cathédrale de Troyes. Et donc d'avoir attenté à la liberté de conscience de ses subordonnés, c'est ça? Exactement. Ouais. Conséquence immédiate, il est frappé de 15 jours d'arrêt. Ulcéré, Drian demande aussitôt sa mise à la retraite. Et il quitte l'armée. Alors, il a quel âge? 50 ans, tout juste. Et il décide d'entrer en politique. Pas pour défendre ses idées. Et surtout pour être la voix de l'armée au sein de la Chambre des députés, c'est-à-dire la voix d'une armée nouvelle et moderne. Il se présente aux élections, donc? En 1906, une première fois. Il est battu dans la région parisienne. Mais il est bien décidé à récidiver. En attendant, il écrit pour le journal L'Éclair et en profite pour voyager. Où? En Allemagne. Ça lui donne l'occasion d'assister, et vous imaginez bien que ce n'est pas un hasard, à des grandes manœuvres de l'armée allemande en Silésie. Et il en tire un livre au titre prémonitoire vers un nouveau Sedan. Et donc vers une nouvelle défaite. Oui, car il affirme que si une guerre avec l'Allemagne éclatait, l'armée française serait battue et même plus complètement qu'en 1870. Son ouvrage fait quelques bruits et participe largement à son succès électoral en 1910 à Nancy. Ouais, Nancy, la Lorraine, hein, particulièrement concernée. Bah évidemment. Et sur le plan politique, alors, où se situe-t-il? Drian est de droite, je vous l'ai dit. Mais il faut nuancer. Il prône, par exemple, la participation des ouvriers au capital de leur entreprise. Mmh. Ou encore la journée de 10 heures et la liberté syndicale. Bref, c'est un catholique social, comme on disait à l'époque. Mais là où il est particulièrement résolu, c'est naturellement dans la défense de l'armée. L'armée qui doit, selon lui, devenir un instrument d'éducation des classes populaires. Ouais, ça me rappelle quelque chose, ça. Vous croyez? Plus sérieusement, Drian se bat à la Chambre contre le déclassement des places fortes frontalières. Une question cruciale dont nous reparlerons. Je vous explique brièvement. Après la défaite de 1871, le général Serré de Rivière, directeur du génie, soutenu par Gambetta, entreprend de doter nos frontières, et surtout au nord-est, d'une formidable et triple ligne défensive. L'objectif étant d'interdire la route de Paris à l'envahisseur. Vous voulez parler de l'édification de forts? Oui, jusqu'aux portes de la capitale. Ouais, les fameuses fortifs. C'est ça. Mmh. Au total, 460 ouvrages fortifiés. Et d'une manière assez audacieuse. Il prévoit des brèches, des entonnoirs, par où l'ennemi devra obligatoirement passer. Des pièges, quoi. Oui, car une armée moderne, avec ses gros bataillons, aura du mal à s'y engouffrer. D'accord, mais alors que les armées vont disposer de canons et d'explosifs toujours plus puissants, ces constructions sont-elles raisonnables? On peut en effet se poser la question, mais observez qu'après le déluge de feu de la Grande Guerre, des forts comme ceux de Verdun, de Toul ou de Belfort resteront debout. Non, en vérité, ce qui va condamner ce système défensif, c'est la nouvelle stratégie adoptée par le commandement. Dorénavant, c'est l'attaque qu'on privilégie. L'attaque à tout prix, quitte à sacrifier des milliers, des dizaines de milliers de combattants. Mais ça, on y reviendra. Alors, n'allons pas trop vite et revenons à Drian, n'est-ce pas? Bah, si vous le dites. Drian, donc. Dès la déclaration de guerre, le député demande à reprendre du service. D'abord affecté à l'état-major du gouverneur de Verdun, il ne se satisfait pas de ce poste de bureaucrate et obtient le commandement de 2 bataillons de chasseurs à pied. Il combat dans l'Argonne, puis dans la Meuse, où il reprend un village à l'ennemi au prix de nombreuses pertes. Mmh. Et quel genre de chef est-il ? Il est déterminé, courageux et aimé par ses hommes qui l'appellent le père Drian. Le père Drian. Mmh. Oui, puisqu'il a la soixantaine à ce moment-là. Il ne ménage pas ses efforts. Ouais. Au printemps 1915, chargé de la défense d'un secteur proche de Douaumont, au nord de Verdun, Drian et ses chasseurs s'emparent du bois des corps qu'il fortifie. Le député lieutenant-colonel a en effet l'intuition, sinon la certitude, que les Allemands vont attaquer à Verdun. Or, le généralissime Joffre a décidé de désarmer les forts et refuse même des renforts aux officiers qui occupent ces positions. Pour quelle raison, là ? Joffre pense surtout à la grande offensive qu'il entend conduire sur la Somme. Et il est persuadé que jamais l'ennemi n'attaquera Verdun. Mais malheureusement, c'est Drian qui a raison. Et ça coûtera très cher à l'armée française. Mon cher André Dupont, merci de votre carte. Votre douce tartine est mère de ma tarte. J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. Il a fait bien mauvais, aujourd'hui c'est meilleur. L'artillerie est l'art de calculer les angles. La cavalerie, celui de bien serrer les sangles. Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes. Le reste est dans la joie et la vertu des hommes. J'ai sur un grand cheval fait 6 heures de route, genoux en sang. Mais que voulez-vous que ça foute ? Tant d'hommes sur le front meurent en ce moment que c'est un vrai plaisir de saigner seulement. Il vente, il fait un froid de loup, la nuit est claire. Écrivez-moi souvent, Guillaume Apollinaire. Le lieutenant-colonel Drian multiplie les interventions pour attirer l'attention de l'état-major sur cette question de Verdun. Mais il n'est à aucun moment écouté. Alors, à bout d'arguments, le député écrit au président de la Chambre des députés, Paul Deschanel. J'ai retrouvé cette lettre envoyée par Drian exactement 2 jours avant sa mort. La voici. Mon cher président, je voulais écrire à M. Mirand ou au président de la commission de l'armée ce qui suit. Je me permets de m'adresser à vous parce que je crains que ma lettre, si l'attention n'est pas attirée sur elle, n'aille grossir le monceau de suggestions qu'on envoie au généralissime pour s'en débarrasser. La vague allemande va refluer. Les Russes vont être hors de cause pour 6 mois. Nous pensons ici que le coup de bélier sera donné sur la ligne Verdun-Nancy. Quel effet moral produirait la prise d'une de ces 2 villes ou les 2 à la fois ? Or, s'ils y mettent le prix, et ils ont prouvé qu'ils savaient sacrifier 50 000 hommes pour emporter une place, ils peuvent passer. Pendant que nous avons un répit de quelques semaines, il faut à tout prix combler les lacunes dans le détail desquelles je n'entre pas. Si on ne le fait pas, nous ne serons pas prêts quand la vague refluera. Ce n'est pas, bien entendu, le commandant d'un petit secteur des Hauts-de-Meuse qui vous écrit, c'est votre collègue qui ne veut prendre part à aucune discussion parlementaire, mais qui, depuis 10 mois sur ce front et le connaissant bien, croit son devoir de pousser un cri d'alarme. C'est à la sympathie que vous m'avez marqué que je m'adresse afin d'être sûr d'être entendu. Si, par la voie hiérarchique, on répond que je me trompe, que tout est prêt, que tout va bien, on se trompe, on ne sait pas. Je me résume, des bras, des outils, y compris les outils de mineurs, du fil de fer barbelé, lieutenant-colonel Émile Cyprien Drian. Mais d'où venait la certitude de Drian ? Le lieutenant-colonel avait d'abord étudié minutieusement la carte. Puis, il avait noté, grâce à une série de renseignements, dont l'un obtenu près d'un prisonnier, que l'armée du Reich concentrait des troupes dans le secteur de Verdun et procédait à d'importants travaux. La construction de nouvelles voies ferrées, par exemple. Ouais. Autant de renseignements dont pouvait aussi disposer l'état-major, non ? C'est exact. Et Drian ne s'était pas privé de multiplier les avertissements et les informations, mais Joffre croyait qu'il s'agissait d'une manœuvre d'intoxication de l'ennemi. Ah, c'est de l'aveuglement ou de la sottise ? Bah, libre à vous de penser ce que vous voulez, quoi qu'il en soit. Le 21 février 1916, la surprise est terrifiante. En une seule journée, des centaines de milliers d'obus écrasent les lignes françaises. Un bombardement d'une puissance encore jamais observée. Les tranchées, les arbres sont anéantis. Et les hommes, bien sûr. Terrés dans leurs trous, les survivants sont littéralement sonnés, abasourdis par le bruit des déflagrations. Pourtant, ce sont ces mêmes hommes, les chasseurs de Drian, qui vont se conduire en héros. Mmh. Parce qu'ils ont subi, eux, de plein fouet, hein, le bombardement. Oui, oui, 1200 hommes et 14 batteries, alors qu'en face, ils sont 10 000 et disposent de 40 batteries. Un combat disproportionné. Oui, hein. D'autant que ce monstrueux bombardement a déjà couché par terre nombre de chasseurs. À tel point que les Allemands, après cette préparation d'artillerie, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, qui dure 2 jours, pensent investir le bois des corps sans aucune difficulté. Mais ils sont à peine entrés dans le bois, ou de ce qu'il en reste, que les survivants surgissent de leur trou et ouvrent le feu, faisant reculer les assaillants. Toutefois, le combat est par trop inégal. Oui, et les Allemands repartent à l'assaut. Bien sûr. Oui. Les grenades, les lance-flammes provoquent de terribles dégâts. Et Drian finit par ordonner le repli. C'est à ce moment-là qu'il tombe, touché mortellement à la tête. Et seuls 120 de ses chasseurs échapperont à cet enfer. Si je compte bien, 120 sur 1200. Hein. Un dixième, donc, mmh. Oui. Mais l'héroïque résistance de Drian permet à des renforts d'arriver et de reconstituer les lignes françaises. Ouais. Vous pensez donc, même si vous ne l'avez pas dit clairement, que Drian et ses chasseurs ont été victimes de l'incompétence de l'état-major. Et de Joffre en particulier, oui. Joffre qui va bientôt confier le commandement du secteur de Verdun à Pétain. Et qui osera dire à ce dernier, « Eh bien, vous savez, ça ne va pas mal du tout. » On est alors au 5e jour de la bataille de Verdun et 20 000 de nos poilus sont déjà tombés. Ah, cynisme ou aveuglement, encore une fois. Et surtout, application têtue d'un règlement qui fait peu de cas de la vie humaine. Un règlement grotesque qui a été rédigé par Joffre et ses officiers. Vous en voulez la preuve? Et je vous assure que c'est gratiné. Je vous écoute alors. Attendez. J'ai collecté à votre intention quelques extraits. Je lis. Pour vaincre. Il faut rompre par la force le dispositif de combat de l'adversaire. Cette rupture exige des attaques poussées jusqu'au bout sans arrière-pensée. Elle ne peut être obtenue qu'au prix de sacrifices sanglants. Eh ben, ça a le mérite d'être clair, hein. Oui. Attendez, dans un autre passage, on lit ceci. Un commandant en chef énergique ne laissera jamais à son adversaire la priorité de l'action sous le prétexte d'attendre des renseignements plus précis. Oui, on a vu à Verdun ce que donnait ce mépris des renseignements. Attendez, encore un extrait. Oui. Le succès revient non pas à celui qui a le moins de pertes, mais à celui dont la volonté est la plus ferme. Pour l'exécutant, l'attaque est toujours menée avec la résolution d'aborder l'ennemi à l'arme blanche et de le détruire. Ne se trompe-t-il pas de guerre, là, l'arme blanche? On peut en effet le penser. Ce que confirme ce dernier texte, seul le mouvement en avant poussé jusqu'au corps à corps est décisif et irrésistible. La tâche qui incombe à l'infanterie est particulièrement rude et laborieuse. Elle ne peut être remplie qu'au prix d'efforts prolongés et souvent renouvelés d'une énorme dépense d'énergie physique et morale et de sacrifices sanglants. Encore. La chaîne des tirailleurs est renforcée à mesure que les vides s'y produisent. C'est avec la baïonnette que l'infanterie brise la dernière résistance de l'ennemi. L'assaut, c'est-à-dire l'abordage à l'arme blanche, peut seul dénouer la crise. Ça vous suffit? Je suis ahuri, moi. Et c'est donc ce règlement qui va s'imposer aux poilus. Et à leur chef. Il ne faut donc pas s'étonner que dès le début de la Grande Guerre, on assiste à de véritables massacres. Je vous rappelle que pour le seul premier mois de guerre, en août 14 donc, on va comptabiliser 370 000 soldats français tués, mis hors de combat ou faits prisonniers. Une véritable hécatombe. Mmh. Oui. Alors, puisque vous semblez particulièrement vous en prendre à Joffre... Joffre qui accédera à la dignité de maréchal en 1916. Une façon élégante de lui faire oublier la vexation de son remplacement par Nivelles. Et Nivelles qui sera lui-même à l'origine de la boucherie de l'offensive du chemin des dames. Ce qui lui vaudra d'être à son tour relevé de son commandement. Et c'est Pétain, puis Foch qui lui succéderont. Donc Joffre... C'est bien ce que vous vouliez me demander. Oui, tout à bon, fait. Ce polytechnicien choisit le génie à la sortie de l'école. Il va donc construire des ponts, des lignes de chemin de fer un peu partout dans notre empire colonial. C'est donc essentiellement un ingénieur. En effet, et un éminent historien de la Grande Guerre. Pierre Miquel, pour ne pas le citer, pourra même écrire qu'avant d'être nommé généralissime, il a une méconnaissance totale de la guerre. C'est raide. Oui, et pourtant, Joseph Joffre va construire sa légende sur une curieuse histoire. Je vous résume. En 1893, le commandant Joffre se trouve au Soudan. C'est ainsi qu'on nomme alors le Sahara, où une fois de plus, il construit une voie ferrée. Il s'ennuie à mourir. Alors, il demande et obtient d'effectuer une mission différente. Et justement, une occasion se présente. Son chef direct, le colonel Bonnier, doit partir d'urgence pour secourir un détachement de marins qui s'est aventuré à Tombouctou. La mystérieuse cité saharienne découverte par René Caillé. Oui, Bonnier décide de former 2 colonnes. La première, qu'il commande, remonte le Niger vers Tombouctou, et il confie l'autre, forte de 400 soldats, à Joffre, qui doit prendre la voie terrestre. Mais autant Bonnier brûle les étapes, autant Joffre lambine. Il faut dire pour sa défense que la marche dans ce pays hostile est très pénible. À tel point qu'il décide de renoncer. Ah non, demi-tour. Oui, mais un capitaine se dresse. Cet officier décide qu'il ira, lui, jusqu'au bout de sa mission. Et Joffre est bien obligé de suivre. C'est pas très glorieux, l'épisode-là. Oui, certes, mais enfin, pendant ce temps, à Tombouctou, c'est le drame. Les marins que devait secourir le colonel Bonnier sont massacrés avant même son entrée dans la ville. Et quand il est enfin arrivé, il apprend que des Touaregs se rassemblent pour attaquer la colonne Joffre. Aussitôt, Bonnier décide d'aller à sa rencontre. Afin de lui prêter assistance. Mais une nuit, Bonnier est lui-même victime d'un guet-apens et toute sa petite troupe est tuée. Alors, n'écoutant que son courage, le commandant Joffre marche sur Tombouctou et balaie aisément la troupe du chef Nyoku, dépourvue d'armes à feu. Les indigènes, comme on les appelait alors, fuient. Et Joffre reconquiert sans difficulté Tombouctou. Et c'est sur cette victoire facile qu'il va construire sa réputation. Joffre, l'âne qui commandait au lion. Tel est le titre d'un ouvrage très polémique de Roger Frankel, publié par les éditions italiques. Polémique, parfois exagéré, mais toujours remarquablement documenté. J'en extrais ce passage où l'auteur attribue d'abord à Joffre la responsabilité du massacre du colonel Bonnier. Le retard de la colonne du commandant Joffre semble avoir été une des causes déterminantes du drame. Mais voilà qui n'est pas le sujet de Joffre. Parvenu à Tombouctou avec plusieurs semaines de retard, il peut claironner « Les tribus Touareg ont fui devant nos troupes, notre marche et notre entrée à Tombouctou ont été une prise de possession incontestée du pays. » Nous y voilà. La prise de Tombouctou, c'est lui. Elle est incontestée. Notez l'expression qui réfute par avance toute polémique sur l'identité du triomphateur qu'il entend être. À partir de quoi la légende va pouvoir se développer tout à son aise. Des témoins trouvent à redire. Joffre se sépare de son chef d'état-major, qui n'avait pas voulu se prêter à certaines compromissions dans la rédaction du rapport et du journal de marche de la colonne, et qui avait fait connaître en termes un peu vifs le sentiment des officiers au sujet de l'attitude temporisatrice adoptée par le chef. Ceci est une révélation du général Gaëtan Bonnier dans le livre très documenté qu'il dédia à la mémoire de son frère. Mais le général aura beau faire, relayé par la presse, le mythe de la prise de la ville par Joffre va prendre corps, renforcé par le pittoresque attaché à cette mystérieuse et lointaine cité aux confins des pirogues et des caravanes. Le glorieux épisode de Tombouctou est monté en épingle par la presse. Joffre y gagne ses galons de lieutenant-colonel et lorsqu'il revient en métropole, il est considéré comme un héros. Alors, passons quelques années, on est maintenant en 1911. Le prestigieux Joseph Joffre est encore monté en grade, général. Il a même été admis à faire partie du Conseil supérieur de la guerre. Et il a hérité du poste de directeur des services de l'arrière. Ça ressemble pas à un placard, ça, hein? Bah, on pourrait effectivement le penser. Cependant, cette année-là se pose une redoutable question au ministre de la guerre, Messimi. Quoi? Il lui faut remplacer le chef de l'état-major, c'est-à-dire le véritable patron de l'armée. Celui qui occupe alors ce poste, le général Michel, est jugé trop indécis et manquant d'autorité. Et surtout, ce chef qui voudrait doubler nos forces d'actifs par autant de régiments de réserve pour rétablir l'équilibre avec les effectifs allemands est coupable de ne pas adhérer aux nouvelles théories propagées par les jeunes turcs de l'état-major. L'offensive avant tout. Oui, vous l'avez déjà dit ça. Mais par qui le remplacer? Un seul membre du Conseil supérieur de la guerre brille au firmament des généraux, Gallieni. Mais il a la réputation d'une solide tête de cochon. En outre, c'est un colonial censé méconnaître l'armée métropolitaine. N'importe comment, arguant de sa mauvaise santé, il devait en effet mourir en 1916, Gallieni refuse le poste. Un autre pourrait postuler, le général Castelnau. Mais ce farouche catholique est considéré, ce sont les mots de Clémenceau, comme un général de jésuitière. Jésuitière. Donc pas question de lui confier notre armée, hein. Et c'est ainsi qu'on se rabat sur Joffre, qui est en outre une éminente qualité, il est franc-maçon. Ah ouais. Un choix par défaut, donc. Si vous voulez. Ah, j'oubliais. Il y avait encore un autre prétendant. Pau. Le général Pau. Un officier qui avait perdu un bras en 1870, mais lui aussi était jugé clérical. Et il a été éliminé par cette Troisième République où les radicaux faisaient la pluie et le beau temps. Mmh. Joffre donc. Et pour parodier Gide, à qui on demandait de désigner le plus grand poète et qui a répondu Victor Hugo, hélas. Je pourrais dire Joseph Joffre, hélas. Décidément, vous ne l'aimez pas, hein. Bon, il n'est pas ici question de mes sentiments personnels, mais de la réalité et de la conduite de la guerre. Alors oui, hélas. Mm-hmm. Mais soyez quand même plus précis. Que lui reprochez-vous exactement? Eh bien, ceci d'abord. Alors que l'artillerie va jouer le rôle que vous savez tout au long de la Grande Guerre, et en particulier ces monstrueux canons fabriqués par les usines Krupp, Joffre, lui, considère que l'artillerie est une arme secondaire, subordonnée à l'infanterie. Certes, chaque régiment va être doté de notre fameux canon de 75, le meilleur au monde, mais pas question de s'encombrer d'artillerie lourde qui ne ferait que retarder la guerre de mouvement que l'état-major préconise. Ouais, toujours la mystique là, de l'offensive. En outre, la préparation d'artillerie avant toute intervention de l'infanterie n'est plus jugée nécessaire. Et je vous explique pourquoi. L'artillerie est impuissante à débusquer un ennemi bien abrité. Par conséquent, pour le forcer à se découvrir, il faut envoyer les fantassins, nos vaillants soldats, avec leurs fameux pantalons rouges qui les rendent visibles à des centaines de mètres. Et c'est ainsi que les premiers engagements de nos militaires vont tous se terminer en catastrophe, bien sûr. C'est stupéfiant. Hein. Mmh. Vous avez des exemples, quand même? Ils sont malheureusement nombreux. Joffre fait attaquer en Alsace dès les premiers jours de la guerre. Mulhouse est prise. Mais le lendemain, elle repasse aux mains des Allemands. Nouvelle offensive française, mais elle est inutile. C'est un cul-de-sac. L'adversaire a si bien fortifié la région que toute nouvelle avancée est impossible puisque l'armée ne dispose pas d'artillerie lourde. Il faudrait aussi parler du terrible désastre de Morhanges et Sarrebourg en août 1914. Vous racontez brièvement, là. Joffre donne l'ordre d'attaquer sur tout le front lorrain. Il y a deux couloirs possibles, là où justement le général Céré de Rivière avait préconisé d'attendre l'ennemi. D'attendre, hein, ouais. Ouais, peu importe. Les fantassins de Foch et Dubail s'engagent dans ces pièges, baïonnettes au canon. Ils sont attendus. Des hauteurs, une pluie d'obus et des tirs de mitrailleuses fauchent les pantalons rouges. Un sacrifice inutile. Et imbécile. Car il faut bientôt sonner la retraite, tandis que les Allemands passent à la contre-offensive. Alors, parlons maintenant de la Belgique. Une parenthèse peut-être d'abord. Nous avions un espion à Berlin, un officier qui se faisait appeler le Vengeur Masqué. Ça fait un peu mélo ça, hein? Oui, Zorro. C'est l'époque de Fantomas aussi. Non, plus sérieusement, ce traître nous a livré pour une somme considérable le plan Schlieffen, du nom du général qui l'a conçu. Et de quoi s'agissait-il de... Tout simplement du plan d'attaque allemand. Ça signifie que l'état-major connaît depuis longtemps la stratégie envisagée par l'adversaire. Et qui est... En gros, il est prévu de violer la souveraineté de la Belgique dès le début de la guerre et de foncer à travers le pays, afin de déborder notre aile gauche et de franchir les Ardennes. Ouais. Ça ressemble à ce qui se passera en 1940. Ah, hein. Tout à fait. Ouais. Rappelons encore que si la Belgique est neutre, un traité oblige la France à intervenir si notre petit voisin est attaqué. Alors, reprenons. Conformément au plan Schlieffen, l'armée allemande entre immédiatement en Belgique. Or, nous restons passifs et laissons l'ennemi s'emparer de Bruxelles et progresser vers les Ardennes. Que se passe-t-il? Je ne vois que deux explications. Ou bien l'état-major, et donc Joffre, n'a pas cru à l'authenticité de la trahison du Vengeur Masqué. Ou alors, et c'est beaucoup plus grave, Joffre a laissé sciemment les Allemands agir à leur guise en Belgique. D'accord, mais pourquoi? C'est de la haute stratégie, je vous explique brièvement. L'état-major français, en laissant se perpétrer l'invasion de la Belgique, vise à élargir démesurément le front. En gros, de l'Alsace à la mer du Nord. On pense ainsi étirer les positions allemandes, bref, à diminuer la concentration des troupes ennemies, ce qui permettra ensuite de frapper un grand coup et d'attaquer au centre du dispositif, c'est-à-dire en Lorraine. Et ensuite, eh bien, on marchera jusqu'à Berlin. Un peu utopique, non? Mais Joffre y croit. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, nos offensives en Lorraine échouent lamentablement, car l'état-major a sous-estimé la force de l'armée allemande qui, à l'inverse de ce que nous avons fait, a mobilisé toutes ses réserves et donc doublé ses forces disponibles. Mmh. Alors si je vous suis bien là-bas, la pauvre Belgique a donc été sacrifiée pour rien. Et c'est la vérité. Et les troupes allemandes vont forcer le passage des Ardennes et entrer en France. Au total, il faut faire à la fin août un triste bilan. Non seulement Joffre doit renoncer à sa grande offensive, mais nos six armées engagées sont contraintes à la retraite. Et pour le commandement, la priorité, c'est maintenant la défense de Paris. Oui. Alors que le gouvernement paniqué a déjà reflué sur Bordeaux. C'est exact. Mais heureusement, et ça c'est à porter au crédit du futur maréchal Joffre, notre armée arrive à bloquer l'ennemi sur la Marne. Oui, la fameuse bataille de la Marne. Oui. Paris est sauvé. Mais avouez qu'on n'a jamais été aussi loin de Berlin. Quant aux boucheries, elles sont loin d'être terminées. Verdun, comme je vous l'ai expliqué, alimentera les cimetières tant français qu'allemands. Mais si on avait écouté le lieutenant-colonel Drian, on aurait sans doute évité ce nouveau massacre. Et si vous voulez tout savoir sur la bataille de Verdun, je vous recommande un superbe et tout récent ouvrage illustré, Les 300 jours de Verdun, publié aux éditions italiques sous la direction de Jean-Pierre Thurberg. Et aussi, naturellement, Paroles de Verdun de Jean-Pierre Guénaud, coédité par France Info. Pour conclure, je me suis plongé, non sans malice, dans un livre brillant et ironique de Jean Bacon, Les seigneurs de la guerre, brève histoire de la guerre et de ceux qui la font, une précision. Seigneur est écrit avec un A, mais peut-être l'aviez-vous deviné. Et j'y ai trouvé ce texte aussi drôle que mordant. L'homme, livré à lui-même, est un paresseux. Dès qu'il a satisfait ses besoins essentiels, le bougre s'arrête de travailler, s'étend sur l'herbe, contemple les arbres et le ciel. Lorsqu'il a de nouveau des tiraillements d'estomac, il recommence à chercher de la nourriture. Puis il revient à sa rêverie. Il faut donc le pousser, l'aiguillonner, le talonner, sans lui laisser une minute de répit, lui donner un coup de pied aux fesses, le goût forcené du travail, de la productivité, de la transpiration, du transport en commun, de l'exercice. La guerre s'en charge. Sans elle, il mourrait probablement de faim et d'ennui. Mieux vaut 100 fois pour lui mourir de mort violente. La guerre fait mieux. En lui inculquant la soumission aveugle, inconditionnelle, imbécile à son sergent, à son capitaine, à son général, elle lui apprend à révérer le chef, l'autorité, l'ordre établi et finalement la loi morale. On ne s'en douterait pas. La guerre, qui semble violer toutes les règles de l'éthique quotidienne, interdiction de l'homicide, du vol, des exactions, et pourtant, d'après de nombreux penseurs, la cause initiale est la garante de la vertu. Le livre de Jean Bacon a été publié chez Phébus.